Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées du 15 au 18 mai dans divers pays. L'agence de presse Reuters, la télévision satellitaire finiste en Hong Kong de Chine, l'agence de presse japonaise Kyodo, les pages d'internet du Comité national d'études des études du Congo démocratique et de l'association d'amitié Baek-Tsun Tchèque-Corée, ainsi que les pages d'internet du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections, ont informé de son inspection de la pépinière numéro 122 de l'armée populaire de Corée. Les pages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme Kim Jong-lisme et de l'association d'amitié Baek-Tsun Tchèque-Corée ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les participants au 7e congrès du Parti du Travail de Corée et a visité l'exposition des équipements mécaniques fabriqués par les ouvriers, scientifiques et techniciens coréens comme présent pour le congrès du Parti coréen. Les pages d'internet ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.